franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jacques Demy, La tragédie du bonheur, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Cédric Ossir. Jacques Demy, un prénom et un nom qu'il suffit souvent de prononcer pour déclencher immédiatement chez votre interlocuteur un sourire lumineux, bientôt suivi de quelques notes chantées qui vous déclarent avec allégresse « Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux » ou bien « Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi ». Image immédiate de bonheur flamboyant et de joie de vivre d'un cinéaste que l'on dit « enchanteur », joli jugement, mais qui pourrait atténuer la richesse et les nuances d'une œuvre beaucoup plus complexe et plus sombre qu'il n'y paraît. Jacques Demy est né lui aussi sous le signe des Gémeaux dans la périphérie de Nantes en 1931. Contemporain de la Nouvelle Vague, il est l'un de nos cinéastes les plus originaux, mais également l'un des plus mal connus, rançon sans doute d'un cinéma très populaire et accessible à tous. Ses films, Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort, lui ont valu une célébrité immédiate dans le monde entier, lui ouvrant aussitôt les portes d'Hollywood. Mais cet immense et rapide succès sera probablement à l'origine d'un long malentendu. Ne voir en Jacques Demy qu'un cinéaste du perpétuel bonheur chanté et coloré. En fait, si le bonheur existe dans ces films, c'est surtout par l'impossibilité des personnages à l'atteindre. Oui, la richesse des musiques et des couleurs a peut-être caché aux yeux du public une réalité beaucoup plus cruelle. Ainsi, on oublie trop souvent que Les Parapluies de Cherbourg est l'un des premiers films dont le sujet est lié à la guerre d'Algérie, mais oui. Dès ses débuts, Jacques Demy avait souhaité construire une œuvre cohérente, dont chaque film, avec son originalité et son identité propre, constituerait une des pièces de l'ensemble d'un grand puzzle. Une sorte de comédie humaine cinématographique. Si la réalité ne lui a pas permis de réaliser ce rêve, un regard attentif permet de suivre les liens qui unissent Lola, son premier long-métrage, avec l'inoubliable Anouk Aimée, au Parapluie de Cherbourg, aux Demoiselles de Rochefort, ou un Model Shop, film moins mythique, tourné à Los Angeles. Oui, on y retrouve cette même quête de l'amour impossible, l'éternelle recherche d'un ailleurs, le rêve qui se brise sur les réalités de la vie, tout comme on retrouvera progressivement, de Peau d'âne à Trois places pour le 26, son dernier film, le thème de l'inceste, comme celui de l'interrogation sur le genre. Sans oublier, élément essentiel, la critique et les luttes sociales, comme dans Une chambre en ville, film magnifique où CRS et grévistes se défient, enchantant. Car l'univers de Demy est violemment poétique. Le quotidien le plus mesquin, corseté par les lois de la bonne société, y est sublimé par le langage cinématographique, du mélodrame à la comédie musicale, de l'austère noir et blanc aux couleurs les plus explosives. Toujours la face solaire et le revers noir de l'œuvre. Quand Jacques tombe malade, Agnès Varda prend la caméra pour tourner Jacques de Nantes, d'après les souvenirs qu'il commençait à écrire. Film clé de l'univers de Jacques Demy, ou du traumatisme des bombardements de Nantes à la magie rouge et or du théâtre Gralin, du garage paternel à la fascination du cinéma du dimanche, chaque étape de l'enfance du petit Jaco annonce l'œuvre à venir avec sa part de rêve, la plus belle sans doute. Rêve de théâtre et de cinéma qu'il réalisera plus tard en sublimant le quotidien de son enfance, en le transfigurant en toute liberté tout en lui restant fidèle. D'où sans doute ce sentiment de complicité du public, heureux de retrouver en lui, au-delà du créateur magicien, un ami d'enfance qui nous attend, fidèle, de l'autre côté du miroir ou de l'écran. Pour poursuivre notre enquête autour de la personnalité et l'œuvre de Jacques Demy, nous recevrons après la fiction Didier Rouget, réalisateur, concepteur, scénariste. Il a été assistant sur le tournage du film d'Agnès Varda, Jacques de Nantes, un film en l'honneur de Jacques Demy. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jacques Demy, La tragédie du bonheur, de Jean-Pierre Tiercelin. Réalisation, Cédric Ossir. Jacques. Jacques, ça va ? Oui, ça va. Juste un petit étourdissement. C'est la vitesse de ce travelling arrière qui ouvrait la baie des Anges. J'ai dû m'assoupir. Il m'est revenu brusquement avec la musique. Je n'en ai jamais ressenti autant la rapidité, jusqu'au vertige. Je dois être vraiment fatigué. L'ouverture à l'iris sur le visage de Jeanne Moreau et cette fuite en arrière de la caméra, comme la vie qui file à toute allure. Il avait raison, Tchekhov. La vie est déjà passée, on dirait qu'elle n'a pas commencé. Pourquoi tu dis ça ? Mais parce que ma vie est passée. Tu sais, je vais bientôt mourir. Bientôt ? C'est quand ? Je ne sais pas. Quelques mois, peut-être. Alors, autour de moi, tout le monde est très gentil et évite d'en parler. Et moi, je fais comme eux, pour ne pas leur faire de peine. Comme si la vie allait être la plus forte, malgré tout. Pour pouvoir continuer à rêver. Ce sera un secret entre nous. D'accord ? D'accord. Mais quand tu mourras, moi, je devrais partir avec toi. Mais non, pourquoi ? Parce que c'est toi qui m'as imaginé. Alors si tu emportes ton imagination dans tes bagages, moi, je risque de faire partie du voyage. Mais non, toi, tu restes. Je t'ai imaginé. Mais c'est Paul Grimaud qui t'a dessiné. J'étais si content de le retrouver après tant d'années. Comme si on bouclait la boucle. C'est lui qui m'avait mis le pied à l'étrier quand j'étais un jeune débutant. Je voulais faire du cinéma d'animation. Alors, j'ai animé les pattes Lustucru. Et dernièrement, pour l'aider à faire le lien entre tous ses courts-métrages, j'ai pensé à toi, le petit clown en forme de lampion, né d'un papier défroissé. Ça ne te froisse pas, au moins. C'est pas pire que de s'appeler Monsieur Dame ou de partir en perme à Nantes. Non, c'est pas pire. Toi aussi, tu aimes bien les calembours et les jeux de mots laids. Question superflue pour un clown. Même pour un petit clown de papier ou de pellicule. Mais alors, si je ne pars pas avec toi, qu'est-ce que je vais devenir ? Mais tu vas continuer à vivre ta vie, comme tous mes personnages de cinéma. Dans tes films, leur vie ne s'arrête pas avec le mot fin ? Pas du tout. C'est pour ça que je ferme à l'iris. Ça veut dire quoi ? C'est comme pour l'ouverture sur Jeanne Moreau ? Oui, mais dans l'autre sens. Quand tu ouvres, c'est un tout petit point de lumière qui s'agrandit sur l'écran noir. Tu découvres un regard, un visage, puis tu ouvres sur la baie des anges et sur le monde. Alors tu peux entrer dans l'histoire. Une histoire qui avait déjà commencé avant. À la fin du film, tu refermes à l'iris progressivement sur deux silhouettes enlacées jusqu'au noir. Comme si tu tirais délicatement un rideau. Pas plus. Le spectateur se retire sur la pointe des pieds, mais les héros vont pouvoir continuer leur vie. Tu comprends ? Oui. L'iris de cinéma, c'est un peu comme l'iris des yeux. Oui, c'est ça. C'est très rassurant, finalement. Tu vois, quand je fermerai mon iris définitivement, je sais que tous ceux que j'aime continueront leur chemin. Peut-être continueront-ils à se croiser au gré des hasards. Ils s'aimeront, se perdront, se retrouveront. Et rien ne m'empêche de penser que je les retrouverai un jour, comme les personnages de mes films. J'aime bien parler avec toi. Qu'est-ce que tu dessines quand tu ne gribouilles pas un petit clown qui me ressemble ? Je peins. J'ai toujours aimé peindre et dessiner. Quand j'étais petit, je voulais être décorateur de théâtre. C'est d'ailleurs ce que je faisais pour le guignol que j'avais fabriqué moi-même, avec des cartons d'emballage que me donnait le marchand de bonbons, au fond de la cour. Je l'appelais Monsieur Bonbon. C'est rigolo. J'aurais bien aimé m'appeler comme ça. C'est toi qui as fait ce tableau ? Oui. Je m'applique, je continue d'apprendre, je cherche toujours... Même si je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est beau, cette mer et ce grand ciel bleu. Ça donne envie de partir très loin, ailleurs. Mais pourquoi tu as mis un sens interdit sur la plage ? À ton avis ? Mais tu disais que tu voulais continuer à rêver. Bah bien sûr. Heureusement, rien n'empêche de rêver. C'est juste la vie qui se charge de contrarier les rêves et souvent de les briser. Tu sais, je n'ai rien dit d'autre dans mes films. On a voulu voir en moi un cinéaste du bonheur, tout en musique et en couleurs, et uniquement cela. Mais c'est allé un peu vite. Tous mes personnages finissent par se cogner aux vitres du réel, quel que soit leur rêve. Un gentil petit bonheur bourgeois ou le départ vers l'Amérique. Tu reconnais cette plage sur le tableau ? C'est Noirmoutier ? Non, c'est Los Angeles. Dans les années 60, c'était la ville de tous les possibles. Elle m'a fasciné. J'en avais tellement rêvé. J'avais l'impression de voir la vie se réinventer sous mes yeux. Le pop art, les hippies, peace and love, make love, not war, l'explosion des mentalités et des mœurs. Plus de tabou. Tout d'un coup, on se sent libéré, impossible de faire marche arrière. La liberté totale. Puis, au fil du temps, Le temps est impitoyable, tu sais. Les utopies s'éteignent une à une, jusqu'à ce qu'un fléau terrible vienne te condamner à mort. Tu ne pouvais pas faire comme le joueur de flûte dans ton film, quand il emmène tous les races noyées dans la rivière ? Non. Cette peste-là est beaucoup plus insidieuse. Elle se pare des couleurs du plaisir. Beaucoup ont été pris dans ce piège invisible. Comment pouvait-on imaginer ? Comme si le cake d'amour de Podane avait été empoisonné ? Oui. Mais je n'ai pas trouvé le scénario, ni l'antidote qui me permettrait d'en réchapper. Je n'ai plus la force de repeindre le monde de couleurs vives ou pastels, comme autrefois pour Cherbourg ou Rochefort, le temps d'une illusion. Mais du moment que l'illusion est belle, une illusion dans mon genre. Comment tu me trouves, avec mes plis de couleurs en accordéon, mon nez rouge et mon chapeau rond comme les Bretons ? En plus, je tiens dans le creux d'une main et je peux faire des claquettes. Ça chatouille ? De quoi te plains-tu ? Tu as raison. J'aurais tort de me plaindre. Ma vie a été belle. J'aurais pu mourir en Algérie ou au Vietnam comme Frankie, le marin amoureux de Lola. Lola élevait seule son petit garçon. Elle dansait au cabaret. Elle rêvait de son grand amour américain. Je lui avais soufflé ces mots. Vouloir le bonheur, c'est déjà un peu le bonheur. C'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour, c'est beau. Celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager. Les hommages des hommes âgés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là. C'est moi Lola. Jacques, ça va ? Oui, ça va. Je t'ai entendu rire, ça fait plaisir. Oui, c'est très agréable. On ne rit pas assez, tu ne trouves pas ? Je suis bien d'accord. Un souvenir d'enfance ? Je ne sais plus. Non, ce n'était pas si lointain. Ah oui, ça y est, je pensais au petit clown. Regarde, je l'ai griffonné sur ma feuille. Ah, mais je le reconnais. C'est ton petit clown pour le film de Grimaud. Je l'adore. Comme je suis sûr qu'il t'entend, je lui dessine un sourire de contentement. N'est-ce pas que tu es content ? Ah, dis donc, t'es pas obligé de me répondre. Bon, je vois que finalement tu n'es pas si loin de l'enfance. Alors, ça avance ? Oui, ça avance. Même que ça avance bien. Alors ce soir, je vais avoir droit à ma petite dose de lecture quotidienne. Combien de pages ? Oh, je ne sais pas. 5 ou 6. Pas plus ? Si, peut-être. C'est par vague, tu comprends. Je rêvasse, je griffonne. Et puis, ça vient comme une lame de fond qui me submerge. Tout revient de si loin, comme si les souvenirs d'enfance se conjuguaient au présent. C'est comme ça qu'en t'écoutant me lire ces quelques pages chaque soir, je me suis dit, quel beau scénario il est en train d'écrire. On va faire un film de ses souvenirs et on l'appellera Jaco de Nantes. Tu veux vraiment le faire, ce film ? Mais Jacques, tout est prêt. J'ai trouvé les fonds, réuni l'équipe. Ce sera notre premier film à quatre mains. Tu te rends compte ? Oui, je me rends compte. Tu sais, en fait, je suis très heureux. Ça me fait drôle, mais je trouve que c'est une idée formidable. Surtout parce que c'est toi qui le fais. Tu viendras avec moi sur le tournage. J'aurai besoin de toi. Je viendrai de temps en temps, selon ma fatigue. Mais je ne veux pas intervenir, c'est ton film. Même s'il parle de moi et de cette enfance qui a inspiré tout mon cinéma. Tu sais qu'on a le garage ? Non. Le garage demi, quai de la Fosse ? Oui ! Et une chance, c'est toujours un garage. Ils se sont fait tirer l'oreille, mais ils ont fini par accepter. On peut y tourner pendant les vacances. Allez, je te laisse travailler. Sinon, je n'aurai pas ma lecture du soir. Je vais préparer les plans que nous ferons sur la plage. Oui, à tout à l'heure. Le garage ? Terminé. Oui. Le moteur cliquait encore un peu à froid, mais c'est normal. Merci. Le garage à Nantes, merci. C'est là que tu habitais quand tu étais petit. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les parapluies de Cherbourg, ça commence et ça finit dans un garage ? Sans doute. Avec entre-temps, le rêve d'un bonheur à deux dans une belle station-service toute blanche. Avec beaucoup de couleurs et beaucoup de musique ? Oui, beaucoup. J'ai toujours aimé la musique et la peinture. Et il était temps de mettre tout ça dans mon cinéma. Je voulais une œuvre totale. La préparation a été très longue. On a beaucoup travaillé ici au moulin, dans cette pièce. Il y avait mon vieux copain Bernard Evin, noyé dans ses échantillons de couleurs et ses croquis. Et le grand Michel, entre piano et partition. Nous sommes dans une situation difficile. Geneviève est grande et m'aide de son mieux. Elle n'est pas en cause, mais j'ai de lourdes charges et j'ai pensé. Enfin, je dois faire face à une échéance dont les conséquences risquent fort de nous compromettre. Et je viens vers vous comme on vient pour mes signes. Madame. Et voilà. Tu as reconnu ? Tu parles si j'ai reconnu. Le premier air, tu l'as cherché pendant 6 mois. Je t'autorise même à dire que j'ai ramé. Je tapais sur le piano, faux comme une casserole qu'on avait piquée au patronage. Je partais dans toutes les directions et je commençais à me dire que je n'y arriverais jamais. Et là... Et là, j'ai entendu comme l'amorce d'une petite fugue. Et je t'ai dit, ça y est, c'est ça Michel, t'as trouvé. Il faut que ce soit comme ça. C'était le déclic. Ensuite, j'ai déroulé le fil. En tout cas, c'est superbe. Hein. C'est bien d'avoir enregistré les airs avec Christiane. La cassette va circuler. Oh, tu parles. Elle est déjà dans tous les bureaux de production de Paris. Matt Bodard s'en occupe. Elle dit que ça accroche bien. Hein. Enfin, il était temps. Jusque-là, personne n'en voulait de ce film. Mais alors personne. La meilleure que j'ai entendue, c'est... Oh, on pourrait le faire à la rigueur, mais alors en noir et blanc et pas chanté. Autrement dit, sans musique. C'est pourtant tout simple. Un opéra cinématographique, populaire et ruisselant de couleurs. De musique. Et de larmes. Très important, les larmes. Sortez vos mouchoirs. Oui, je vous signale que dans la partition pour le grand air de Guy et Geneviève, j'ai ponctué premier mouchoir, deuxième mouchoir, troisième mouchoir. Je veux qu'on pleure comme Margot. Qu'on pleure de bonheur parce que c'est beau, mais c'est triste. Et j'ai envie que la musique vous transporte et vous fiche des frissons. Comme quand j'étais petit, qu'on allait en matinée au théâtre Gralin voir des opéras. Sauf qu'à l'opéra, on ne comprend pas toujours ce qu'on dit, et là, il faut qu'on comprenne. Et c'est pour ça que je t'ai dit de penser aux Marseillais qui chantent quand ils parlent. C'est déjà du parler-chanter, et on comprend tout ce qu'ils disent. Oh, ma petite fille, tu es folle ? Est-ce qu'on pense au mariage à ton âge ? On se croirait chez Pagnol. Ma petite fille, tu es folle ? Est-ce qu'on pense au mariage à ton âge ? C'est QFD. Et là, bientôt on dira, c'est fou, on se croirait chez Demi. Bémol. Hein ? Demi bémol. Ce qui vaut bien un demi le grand. Là, ça frôle le bas de gamme, hein. N'en jetez plus les gars. Mais si, on jette, on improvise et après on fait le tri. Le jazz, ça va nous permettre beaucoup d'innovation. Comme ça, on peut inventer en cours d'action, renouveler les émotions au fil des thèmes de chaque personnage, avec le jeu des variations. L'essentiel est de chanter l'intégralité dans une même respiration. C'est comme ça que tu l'as écrit, non ? Oui, une longue et unique respiration d'1h30. Le reste est affaire de découpage. Et d'image. Et d'image. On voit ça tout de suite, Bernard ? En tout cas, moi je pense qu'il faut demander aux acteurs d'assister à l'enregistrement des chanteurs. Bon courage, les gars. On est d'accord, Michel ? Non seulement je suis d'accord, mais c'est impératif. Sinon, ils ne pourront pas assurer le playback. On sera trop dur. J'irai même plus loin. Il faut que ce soit un échange entre les acteurs et les chanteurs. Exactement. Non seulement les acteurs doivent suivre le travail vocal des chanteurs pour pouvoir le reprendre à leur compte à l'écran, mais à l'enregistrement, chaque chanteur doit être à l'écoute du ressenti du jeu de chaque acteur. Il faut qu'il chante au plus près de sa personnalité. C'est un pari, mais je vous dis que c'est une des clés de la réussite du film. Bon, de toute façon, les amis, j'ai l'impression qu'on est en train d'inventer quelque chose. Alors tant qu'à inventer, inventons jusqu'au bout. Ce sera un film en couleur et en chanté, où l'image et la musique joueront à se donner rendez-vous. Qui dit mieux ? Enchanté. Excellent, je le garde. Justement, à propos d'image, vous ne voulez pas regarder les échantillons ? Bien sûr que si. Mais avant, raconte un peu. Cherbourg commence à prendre des couleurs ? Ça ne va pas tarder. On négocie de maison en maison. Un mur rouge par-ci, un mur vert par-là. Sois tranquille, Jacques. Je vais repeindre Cherbourg, aux couleurs de ton rêve. La ville sera saturée de couleurs. Les gens sont gentils ? Très. Je dirais même qu'ils sont enchantés. Ah bah pour un film enchanté, c'est bien le moins. Mais c'est fini les mômes. Oui, on arrête. Chut. On t'écoute. Voilà. Alors voilà la future boutique de parapluies. Elle sera rouge et vert. Et les parapluies jetteront comme des taches de couleur. Pour l'instant, c'est encore une droguerie. Là, c'est le café rouge des matelots. Là, la chambre de Geneviève. On va décliner la gamme des bleus et des violets. Si je comprends bien, on va faire un Matisse 100 ans. Tu me montres les échantillons ? Voilà. Là, tu as le choix. Hein. C'est magnifique. Hein. Oh là, quel musicien tu fais ! Tu as décliné toutes les gammes des couleurs. Il faut ce qu'il faut. Regarde, Jacqueline m'a apporté un tissu tellement beau pour la robe qu'on a décalé la couleur du papier pour avoir les mêmes tons. Ensuite, je ferai imprimer tous les papiers peints du film en fonction des couleurs choisies. Tu pourras me refaire le papier qu'il y avait chez ma grand-mère, avec les grosses oranges éclatantes sur un fond bleu. C'est prévu. Ah, c'est bien. Je veux que chaque personnage soit associé à un univers de couleurs qui lui correspondent, comme pour la musique. Et lorsqu'ils évolueront dans l'histoire, il faut que la couleur évolue avec eux. T'inquiète, j'ai même choisi la couleur des boissons en fonction de chacun. Alors là, je m'incline. Et pour la station service de la scène finale ? Blanc, sur fond de nuit. Et la neige ? Tout sera recouvert de sel, effet garanti. Et le sel accroche si bien la lumière. Que du blanc, alors ? Toutes les couleurs sont dans le blanc. N'oublie pas. Toi, tu vas bien ? Oui, très bien. C'est beau, mais c'est triste. S'il te plaît, tu pourrais me dessiner un mouchoir ? Mais bien sûr. Voilà. Merci. Bravo, bravo. Maintenant, je peux t'applaudir. Alors, t'as fait un tabac ? Un sacré tabac. Le public a fait comme toi, il a pleuré et il a aimé. Les critiques aussi, ce qui est beaucoup plus rare. On ne comprenait pas trop ce qui nous arrivait. C'était trop beau. Tu as eu une palme ? Oui, même une palme en or, à Cannes. Et puis des prix, des sélections, des tas de producteurs qui se sont brusquement mis à m'aimer, et le téléphone qui maintenant sonnait tout seul sans qu'on l'appelle. Hollywood. Oui, Hollywood. Mais on a d'abord voulu profiter du succès, et on a fait Les Demoiselles. Les Demoiselles ? Les Demoiselles de Rochefort. Mon seul film sur le bonheur, en fin de compte. Mais un bonheur infini et une joie de vivre à jamais retrouvée. Une vraie comédie musicale, quoi. Dis, tu ne veux pas me faire jouer dedans ? Je voudrais faire les forains. Tu sais, je danse, mais je peux aussi chanter. Je n'en doute pas. Mais c'est comme les parapluies. Ce film vit sa vie depuis trop longtemps. Désormais, il appartient au public. Ne t'inquiète pas, nous trouverons sûrement autre chose pour te faire tourner bientôt dans un vrai film. Promis. Top là. Top là. Promis. Nous voyageons de ville en ville, du Val de Loire au bord du Rhin. On nous appelle les forains, la route est notre domicile. Le soleil ne te fait pas mal aux yeux ? Moins que jamais. Sa chaleur me réchauffe. Autant que ce film que tu vas commencer. Que veux-tu que je fasse ? Rien. Juste que tu sois là. Tu veux bien t'asseoir ? Là où le sable est encore sec, mais au plus près de l'eau. Très bien. Tu peux t'accouder ? Comme ça ? Oui. Parfait. Ne t'occupe pas de moi et regarde la mer. Je vais tourner autour de toi avec ma petite caméra. Tu peux prendre une poignée de sable. Très bien. Et maintenant, j'aimerais que tu laisses filer le sable entre tes doigts, doucement. Voilà, c'est très beau. Merci pour cette ombre de sourire dans l'œil. C'est très agréable de tourner pour toi. Et ça ne fait que commencer. Alors demain, le grand jour ? Oui, le garage demi reprend du service à l'identique 40 ans après. Il y a eu du travail de déco, mais pas tant que ça. Les successeurs n'avaient pas fait de grands changements. Par contre, Eh, il va falloir vider le grenier pour y reconstituer ton premier atelier studio. Ça va me faire drôle. Le trac ? Un peu. Bizarrement, c'est à mon père que je pense. Sans doute parce qu'on s'est pas compris tous les deux. Parce qu'il voulait faire de moi un mécano et rien d'autre. Parce que je ne me croyais pas désiré, pas aimé. Avec une chambre en ville, tu lui as tout de même rendu le plus beau des hommages. Oui, sans doute. Un opéra tragique aussi incompris par le public que mon père par son fils et inversement. Quelle ironie. Je voulais lui rendre justice. Montrer son engagement, les grandes grèves des chantiers navals, les luttes syndicales. Montrer aussi ma haine des ségrégations de classe que personne n'a su voir dans mes films précédents. Comme si on voulait me réduire parfois à un ruban de guimauve. C'est un très grand film. Et je suis sûre que le temps te rendra justice. Le temps? Ah oui, le temps. Il a le temps, lui. Dispersez-vous, rentrez chez vous. Nous ne voulons pas d'incident. Laissez-nous passer, nous ne partirons pas. Nous voulons passer, laissez-nous passer. Nous sommes ici pour défendre nos droits. Dispersez-vous, rentrez chez vous. Retirez-vous dans l'ordre et le calme. Nous sommes ici pour défendre nos droits, pour nos femmes et pour nos et les enfants de nos enfants. Nous voulons passer, laissez-nous passer. Nous sommes ici pour défendre nos droits. Bon sang, bon sang, bonsoir. Ces femmes et ces moutards nous cassent les oreilles. Police, milice, ricaille, racaille. Dispersez-vous, retirez-vous, rentrez chez vous. Police, milice, ricaille, racaille. Police, ne rapprochez pas. Et ne paraissez pas, éloignez-vous, dispersez-vous, rentrez chez vous, ne vous insultez pas. Attrape, toi ça c'est loin. Ouais, t'en tiens un peu. Je fais glisser le long de l'échelle. Ouais, je monte. Ah c'est bon, tu peux lâcher. Hé, hey, mais les enfants, ne courez pas partout comme ça, vous allez vous prendre les pieds dans les câbles. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah. Bonjour. Bonjour. Voilà Jacques, c'est bien. Jacques. Asseyez-vous. Non, non, ça va aller, merci. Peut-être à tout à l'heure. C'est incroyable. C'est comme si le temps s'était arrêté. Jaco, Jaco, viens par ici. J'arrive. Jacques, je te présente Jaco. Autrement dit, toi, quand tu étais petit. Bonjour, Jaco. Tu veux bien que je t'appelle comme ça? Tu es un peu mon double, après tout. D'accord, mais alors, moi aussi, je peux t'appeler Jaco? Bien sûr. Regardez ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que c'est? On avait déblayé le gros du grenier quand on est tombé sur des choses qui devraient vous intéresser. On a tout mis dans la caisse. Mais c'est mon brassard de première communion. Ça alors? Les vieux projecteurs bricolés avec des phares de voiture. Ma première caméra. Je l'avais acheté Passage Pommeret et j'ai tourné avec mon tout premier film d'animation. Dans le grenier transformé en studio. Mon père n'y montait jamais. Une pression sur le bouton et un millimètre de déplacement à chaque prise. Ça m'a pris plus d'une année. Regarde, Jack, la silhouette en carton de la danseuse. Oh, un patin en roulette. C'est le mien. Mais tu ne devineras jamais son rôle. Regardez, mes amis de la technique. Vous qui allez commencer ce film avec Agnès. J'avais installé la petite caméra sur le patin et le patin sur un pan incliné manipulé grâce à un contrepoids. Vous avez là le premier travelling à la grue de ma modeste histoire de cinéma. Quelle émotion. Et quel beau signe du destin pour commencer. Je sens que tout ça va reprendre sa juste place dans le film. Très bonne idée. Allez, c'est pas le tout, au boulot les enfants. Ne perdez pas de temps. Oui, au boulot. Tout le monde en place. Ok, tout le monde en place. Tu vois, c'est le début de ton histoire. Allez, va vite te préparer. J'y vais. Oh, tu as fait tomber un papier de ta poche. Tiens. Ah, merci. C'est drôle. C'est quoi? Un dessin de petit clown que j'aime beaucoup. Tu vois, comme il est un peu froissé, il a le ventre en accordéon. Je l'ai fait jouer dans un film. Comme moi, avec Agnès? Oui, comme toi. Nous avons de longues conversations tous les deux. Tu me le prêtes? Non, je te le donne. Ça sera ton ami pendant le tournage. Merci. Agnès, Agnès, Jacques, il m'a donné un ami. Il va tourner avec moi. Tu en as de la chance. Allez, tout le monde en place. Ok, tout le monde en place. Les parents, vous êtes prêts? Prêts. Monsieur Bonbon, vous êtes prêts? Prêt. Jaco, mets ton béret. Et viens te placer devant la cuisine. Jacques, Oui. Viens faire le premier club avec nous. Tu crois ? Oui, viens près de moi. Tout ira bien. Ça sera un beau film, j'en suis sûr. Et puis... Et puis ? Finalement, la vie de Jaco ne fait que commencer. Embrasse-moi. Comme au cinéma. Silence. Moteur ! Ça tourne. Jaco de Nantes, 14 sur 1. Première. Action. C'était Jacques Demy, La tragédie du bonheur, de Jean-Pierre Tiercelin. Avec Mathias Maréchal, Jacques Demy, Anne Stephens, le petit clown, Myriam Azinko, Agnès Varda, Antoine Gouy, Michel Legrand, Antoine Baillet, Bernard Evin, et les voix de Nicolas Flèche et Antoine Joly. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Marie Le Peintre, Régis Nicolas et Alexandre Chenet. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Cédric Ossier. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Je ne penserai qu'à toi. Reste, ne pars pas. Je t'en supplie, reste mon amour. Ce n'est pas encore l'heure. Je m'éloigne de toi, ne me regarde pas. Mon amour. Vous faites partie de ces cinéastes qui pensent que le cinéma, c'est la somme de tous les arts. Ou est-ce que c'est un art en plus, à côté ? Est-ce que c'est un art ? C'est ça, je veux dire. Ça, c'est la grande question. C'est la grande question, parce oui. que ça doit en être un quand même. Parce qu'il y a vraiment des beaux films, qui sont aussi beaux que des belles toiles, et aussi beaux que de beaux romans. Non, ça, c'est certain. Pour moi, par exemple, dans ce que j'ai choisi, qui était le musical... Je l'ai choisi très précisément parce que j'avais à la fois l'œil, l'oreille, des choses qui vibraient comme ça dans toutes les directions, et que le cinéma musical représentait pour moi une somme de beaucoup de choses. Mmh. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jacques Demy, La tragédie de bonheur, notre invité Didier Rouget, scénariste, réalisateur et surtout assistant sur le film Jaco de Nantes. Bonjour Didier Rouget. Bonjour. Alors, vous avez écrit et vous écrivez, vous réalisez des films pour la télé, le cinéma. Vous avez fait vos classes comme premier assistant réalisateur en 1987 sur des courts-métrages de Jean-Pierre Mocky, Gérard Krosik, Marc Caro et sur les longs-métrages, je cite celui de Patricia Mazui, Travolta et moi. Je peux citer aussi de Jane Birkin, Oh, pardon, tu dormais, hein, oui. Ce film s'appelait comme ça. Et puis surtout, vous avez tourné en 1991, vous avez travaillé en 1991 sur le film Jaco de Nantes, sur un scénario et en l'honneur de Jacques Demy, un film de fiction mais aussi documentaire qui retrace la vie et l'amour de Demy pour sa ville de Nantes et pour le cinéma, bien sûr. Alors, comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure? Comment se sont passés les premiers moments? Racontez-moi cette histoire, l'histoire de ce film dans les coulisses. En fait, j'ai rencontré Agnès parce que je venais de faire un film de Pierre Etex. Ah oui. Un autre genre de cinéma, évidemment. Donc on est, à mon avis, fin 89, début 90. Et Agnès a un projet qui n'est pas encore vraiment défini. Ce qu'elle m'explique, c'est que Jacques Demy, est malade et qu'il commence à écrire sur son enfance. Et aussi, une autre de ses occupations, c'était la peinture. Et elle se dit, en lisant un petit peu les écrits de Jacques sur son enfance, on pourrait en faire quelque chose. Mais rien n'est encore vraiment défini encore. Ce qu'elle sent, c'est que l'intérêt qu'elle porte aux écrits de Jacques pourrait le motiver et le maintenir en vie un petit peu. Alors, elle l'a encouragé dans cette voie-là, et puis ça a pris de l'ampleur. Et puis, au début, le scénario n'est pas défini. On ne sait pas ce que vraiment que ça va être encore un long métrage. Mmh. Et puis, au mois de février 90, je dis des dates parce que tout ça est allé très vite, et c'est très important aussi. Au mois de février 90, il y a une décision qui est prise. C'est, et si on faisait un film sur ton enfance, Jacques? Et Jacques est tout de suite d'accord. Et Agnès est un petit peu gênée, je crois, de vouloir prendre les rênes de ce film-là. Et Jacques lui dit non, c'est bien si c'est toi qui le fais. Et tout s'est précipité. Agnès est très consciente à ce moment-là que la santé de Jacques est fragile et qu'il faut aller vite. Donc il faut immédiatement embarquer la production, trouver des sous et se lancer dans un tournage sans connaître vraiment encore l'issue de tout ça, quoi. Alors, il faut le dire quand même, c'est important. Par deux fois, vous avez dit Jacques était malade. Et sa maladie, c'était le sida. Je le dis parce que dans le magazine Têtu, Agnès Varda, hein, précisément, se livre pour la première fois et confesse la vérité sur la mort de son compagnon, donc Jacques Demy, le 27 octobre 1990, à l'âge de 59 ans. Et voilà ce qu'elle dit, hein, je la cite mot pour mot. « Je dis clairement qu'il est mort du sida et qu'il ne voulait pas en parler. » On ne peut pas discuter un tel choix, parce qu'il faut se replacer en 88 et 89, hein, c'est pas aujourd'hui, c'était il y a 20 ans. Il savait qu'il allait mourir. Alors on tournait pour l'accompagner le plus loin possible. Oui, c'est ce qu'on a fait. On a fait le tournage de Jaco de Nantes, hein, bien sûr. Et puis Jacques est mort 15 jours après, à la maison. Donc il y a cette dimension-là aussi dans le film. Ah, c'est pour ça que c'est un film que je mets vraiment à part. C'est-à-dire que c'est on est au-delà d'un film. C'est une expérience humaine unique. C'est un film, pour ma part, un film fondateur pour tous les gens qui ont travaillé sur ce film-là. C'est un film unique parce que on n'a pas seulement fabriqué un film. On a accompagné Jacques. On a accompagné Agnès. Et Agnès, c'était pas seulement la femme de Jacques, c'était le metteur en scène, c'était la productrice, c'était la mère de ces deux enfants-là. Ouais. Et il a fallu apporter beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. De toute façon, ce film, c'est un film d'amour. Je me suis toujours dit que si Agnès avait été peintre, elle aurait fait le portrait. C'est ça. C'est ça. Ouais. Si elle avait été sculptrice, je crois que c'est un terme qu'elle aimerait bien entendre, elle en aurait fait le buste. Là, il s'agissait de maintenir son amour le plus longtemps en vie. C'est comme ça qu'on l'a tous vécu. Et il y avait une grande douceur sur ce tournage-là, beaucoup d'attention envers Jacques, envers Agnès. C'est vraiment un film d'amour. Et c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, hein, pour le coup, parce qu'on est vraiment dans cette œuvre cinématographique, dans l'œuvre d'une vie, l'œuvre d'un homme qui va mourir, Et qui est, alors, qui vient au tournage? Comment ça se passe, cette période où il est encore vivant? Le film se tourne. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, Jacques est là. Il faut dire que, comme je vous l'ai dit au début, le tournage, c'est pas un tournage classique. On a tourné sur 8 mois. C'est parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait. Jacques écrivait, Agnès écrivait des scènes, inventait des scènes, au fur et à mesure. Et puis, il a fallu surtout tourner dans le garage demi. Ça, c'était très important pour Agnès. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Jacques est issu d'une famille de garagistes. C'est un fils de garagiste. Et Agnès voulait tourner dans le vrai garage de la famille demi. Alors que Jacques disait, mais regarde, à côté, il y en a un qui est libre, pourquoi tu tournes pas là? Non. Moi, je veux la matière, je veux la poussière, je veux ton odeur. Voilà. C'était encore une fois se rapprocher de lui. Alors après, bon, tout ça, c'est des commentaires, c'est a posteriori, mais il y avait quelque chose comme ça. Et elle a été récompensée avec le choix de ce décor qui sent la vie. C'est-à-dire que je me souviens quand enfin on a eu accès à ce garage, parce qu'il a fallu aussi que les exploitants de ce garage-là acceptent d'interrompre leur activité pour que toute une équipe de tournage débarque. Bien sûr. Il a fallu vider le grenier, là où le petit Jaco fabriquait ses petits films d'animation. Et donc ça, le grenier, on l'a vidé par strates. Et donc il y avait des pneus, il y avait des trucs de garage. Et puis, tout à coup, on est tombé sur les strates de nuit. Les strates de la famille demi. Et alors là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des bouts de films de Jacques enfant. On trouve des vrais projecteurs que lui-même avait fabriqués, c'est-à-dire c'était des phares de voiture. Des petites marionnettes, puisqu'au début, Jacques faisait des films d'animation, image par image. Et on a trouvé, voilà, ces vestiges-là. C'est comme un travail, effectivement, d'archéologue. Et tout le monde était très, très, très ému de tout ça, parce que c'était aussi la volonté de Jacques de retrouver son enfance comme ça, dans, disons, la dernière ligne droite. Didier, je vais vous faire plaisir. Je vais vous lire une critique de Télérama à la sortie du film en 91. Et puis ensuite, après une petite pause, on se retrouvera alors pour parler du cinéma de Jacques Demy. Je vais vous lire cette critique. Peut-être vous en souvenez-vous d'ailleurs. Jacques Demy est un petit garçon nantais rêveur. Sa maman coiffeuse vocalise en frisant les dames. Son papa, garagiste effectivement, est un rossignol en bleu travail. Jaco chante aussi, comme son petit frère. Ce film est l'hommage pudique et complice d'une femme à l'homme qu'elle aime. C'est la rencontre de deux talentiers instinctifs. Avec son regard précis, sa gravité tendre, Agnès Varda reconstitue l'enfance de Jacques Demy sans s'accaparer son univers généreux. Parce qu'elle croit à la vocation, elle cherche à démêler les fils de l'entêtement et de la certitude passionnée qui conduisirent Jacques Demy à la création d'un monde en apesanteur, heureux et pur. Cette enquête d'amour, cette enquête d'amour, traque cinématographique unique, brille par sa construction intelligente et son pouvoir d'évocation. Et tout est à l'avenant. Ceux qui ont grandi dans le soleil du cinéma de Jacques Demy ne peuvent que remercier Agnès Varda d'avoir rassemblé ses émotions dans cet hymne à la confiance et à la vie. Ainsi se termine l'article de Télérama. Et donc je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Après une pause. Allons-y, mesdames et messieurs, les enfants, accélérez la sortie. Prochaine séance dans un quart d'heure. C'était bien. Marjolaine, elle est jolie. C'était bien avec la sorcière, avec sa peau. Oui, ouais, je savais. Moi, c'est simple. Ah, lui, il y a le béguin pour Blanche-Neige. Pas ça. Il m'a dit l'autre jour que c'est elle que tu voudrais. J'ai pas dit ça, mais elle est bien. Elle chante toujours. Quand elle balaye, elle chante. Quand elle fait la vaisselle, elle chante. Et quand elle fait des gâteaux, elle chante aussi. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Et sans plus de discours, allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains bien pesées, autour d'un puits creusé. Choisissez quatre frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un pouce sort tout. vous plaît, de sucre parsemé. Bien, Didier Rouget, merci pour la sincérité avec laquelle vous avez répondu à des questions qui étaient finalement intimes, puisque vous êtes retrouvé, vous embarqué dans cette intimité-là, celle que vous nous avez exposée tout à l'heure. Je voudrais parler maintenant de Jacques Demy, de façon peut-être un peu plus distanciée sur son œuvre. Son cinéma, vous était-il familier? Quels étaient les films que vous préfériez et pourquoi? C'est quoi pour vous les pépites de Jacques Demy? Alors, à l'époque, en fait, moi, j'étais très jeune. Hein. J'avais 25 ans, je suis arrivé au cinéma assez tardivement, donc j'étais pas très cinéphile. Donc j'ai dû, pour les besoins de Jacques Audenantes, avaler un petit peu toute l'œuvre de Jacques en accéléré, parce que, voilà, il y avait une urgence. Mais je me suis pas bien rendu compte encore de l'œuvre majeure qu'elle représentait. En fait, c'est plus tard. C'est-à-dire, en fait, Jacques Demy, comme Agnès Varda, j'ai l'impression qu'il frappe à ma porte régulièrement. Et quelques années plus tard, comme ça, Jacques Demy est venu frapper à ma porte. On est en 96 et on me demande de faire une analyse filmique des Parapluies de Cherbourg. Et là, c'était pour le CNDP, pour le ministère de la Culture. Donc c'est une analyse filmique que j'ai coécrit avec une romancière qui s'appelle Kim Dehan. Et on s'est plongé dans l'univers Jacques Demy avec délectation. Et j'ai vu le titre que vous aviez donné à votre fiction, cette espèce d'oxymore, alors je sais plus comment vous l'avez appelé, la tragédie du bonheur. Oui, la tragédie du bonheur, exactement. Voilà, et ben c'est ça, et Demy c'est ça, Demy c'est le prince des oxymores, c'est ça. Il y a la réalité, c'est très prégnant pour lui, une réalité sociale, politique, et puis il y a un rêve, le rêve d'une existence idéale qu'il donne à ses personnages. Voilà. Et lui, tout grince comme ça, sans cesse. Donc, c'est pour ça que il a une tendance à être mélodramatique. Mmh. Parce que il trouve une forme qui est effectivement enjouée dans ses films. Il y a de la couleur, il y a de la musique, ça chante, c'est enchanté, comme il l'aimait à le répéter. Ce sont des films en couleur et enchantés, comme Les Parapluies de Cherbourg, notamment. Et puis, à côté de ça, il y a une réalité brutale qui va venir, disons, contrarier l'idéal de ces personnages. Ça nous renvoie à un autre oxymore, une douce violence. Voilà, ça c'est Jacques. C'est vraiment moi, l'homme des oxymores. Oui, c'est le prince des oxymores. Exactement. Alors, on se souvient de Nougaro qui portait aussi Toulouse. Ouais. Jacques Demy a porté Nantes. Totalement. Hein, c'est important ça. Oui, oui, oui. Une chambre en ville. Une chambre en ville, évidemment. 82. Ouais. Lola, son premier film, s'est tourné à La Cigale. C'est très important. La ville de province est très importante pour lui parce que ça lui permet aussi, cet espace exigu lui permet d'exercer toutes ses rencontres de hasard. Mmh. Et tous ces personnages qui vont se rencontrer par hasard. Et tout ce qui va lui tomber dessus par hasard. Et avant de venir vous voir, j'ai réfléchi à un truc. Je suis retombé sur une espèce de citation de Charles Péguy, je crois, qui nous dit « Quand un homme se meurt, c'est de toute sa vie dont il se meurt. Mmh. » Et Jacques, il est mort de toute sa vie. C'est-à-dire que c'est un hasard tragique qui lui est tombé dessus. alors qu'il était dans une quête d'existence idéale. Et le hasard tragique est venu sanctionner tout ça. À 59 ans. À 59 ans. C'est jeune, hein? Waouh. Waouh. Jaco de Nantes. Jaco. Qu'est-ce qu'il y a sous Jaco? Sous Jaco, il y a... Le petit surnom des parents? Oui, je pense que c'est le surnom des parents. Sur le tournage, on allait, pour la préparation du tournage, souvent on allait voir la mère de Jacques. D'abord pour qu'elle nous chante des chansons de son enfance. Qu'est-ce que vous, Milou, Marilou, vous chantiez à Jacques? Jaco. Et puis Agnès le dit aussi dans le film, en voix off, elle dit, quand Jacques est proche de venir à Paris, elle dit, le petit Jaco est en train de devenir Jacques. D'accord. Voilà. Et alors le cinéma musical, est-ce que le cinéma nourrit la musique ou c'est la musique qui nourrit le cinéma? Vous allez me dire, bah c'est les deux, évidemment. Non? Pourquoi le cinéma musical, c'est le choix du cinéma musical? Alors, la théorie d'Agnès, et aussi je pense que Jacques, en écrivant ses mémoires à la fin de la vie, confirme tout ça, c'est l'enfance de Jacques, c'est le creuset de son inspiration. Dans son enfance, c'est quoi? C'est l'opérette. L'opérette, c'est un théâtre chanté, de A à Z. Bien sûr. Donc, peut-être, il a été le premier cinéaste au monde, je suis pas assez cinéphile pour confirmer tout ça, mais à faire un film chanté de A à Z. Les Parapluies de Cherbourg, c'est un ovni. Ce n'est pas du tout une comédie musicale. Ce n'est pas une comédie. C'est un mélodrame. Ce n'est pas une comédie musicale dans le sens où tout est chanté de A à Z. Ce n'est pas absolument pas dans les canons de la comédie musicale hollywoodienne des années 50. Oui, où il y avait l'alternance de dialogue parlé et de musique. Absolument. Donc Jacques, il a fait deux films comme ça dans sa vie. Il a fait Les Parapluies de Cherbourg et Une Chambre en Ville, chanté de A à Z. Ouais. Voilà, c'est unique, c'est audacieux, c'est culotté. Mais comment on peut imaginer qu'on puisse faire un film comme ça? Alors que déjà pour son premier film, pour Lola, il avait envisagé un film musical. Après, pour des raisons économiques, là on est dans les années 60, je crois que c'est Borgard qui a produit ça. Pour des raisons économiques, il a été obligé de revoir un petit peu tout à la baisse. Je crois qu'ils ont même pas pris de son direct. Mais c'est quand même un film qui sent le film musical, quoi. Bien sûr. Vous avez vu, on connaît la chanson d'Alain René. Bien sûr. Bon, bah, moi j'ai pensé à Jacques Demy. Il fallait peut-être pas penser à Jacques Demy parce que d'abord il est pas complètement musical. Ce film, il a un charme de folie. Hein. Il est extraordinaire. J'ai pensé à Jacques Demy, moi et vous. Pas trop. Non, mais justement. Pas trop. Mais alors, ce qui pourrait me faire penser à Jacques, j'avais jamais pensé en fait à ça. J'avais jamais réfléchi. Ce qui pourrait me faire penser à Jacques, c'est l'aspect populaire. C'est-à-dire que c'est très et important. Enchanteur et enchanté. Absolument. Hein, on est d'accord. Absolument. C'est-à-dire que Jacques avait cette volonté-là, hein, c'est de faire du cinéma populaire. Et effectivement, quand Bakri Jaoui arrive autour de René avec ça, tu dis, ah bah oui, ça c'est la chanson. Et Jacques, ce qui nous a apporté, ce qui nous offre aujourd'hui à nous et à toutes les générations que je connais, c'est je connais pas une gamine qui chante pas Les Demoiselles. Je connais pas une gamine qui chante pas la recette de peau d'âne. C'est quelque chose d'absolument universel et qui nous accompagne, qui traverse le temps. C'est très rare. C'est très rare. Nous sommes tous des sœurs jumelles. Oui. On va dire ça. Hein? On peut dire ça. Bon. Merci infiniment, Didier Rouget, pour votre témoignage et votre passion autour de cet homme et de son œuvre. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jacques Demy ou la tragédie du bonheur. Fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Cédric Ossir et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Julien Michel.